Ça devient trop crazy, toujours plus de fusils, du rucol, ça devient trop crazy, ça devient trop crazy, toujours plus de fusils, les rigoles, mais bien encore plus, mais bien encore plus, comment possible, sur ta gueule je pisse, nigga, encore plus, 971 G 972 G 974 971 G 972 G 974 Bang bang, I shot you down, bang bang, you hit the ground, bang.